Chapitre 11. Voyage. Maman l'avait couché encore plus tôt que d'habitude. Comme chaque soir, elle avait pris deux fois sa température, lui avait donné à boire après avoir goûté son eau, avait peigné ses longs cheveux blancs, puis l'avait bordé en lui demandant si elle n'avait pas froid. Comme chaque soir, elle l'avait regardé longtemps depuis le seuil de la chambre, à la fois hésitante et souriante, avant de se décider à pousser la porte et à s'éloigner dans un chuchotis de robe. À présent, Victoire contemplait le plafond. Maman n'avait pas refermé la porte. Elle ne refermait jamais la porte, maman, faufilant régulièrement son regard dans la chambre pour s'assurer que tout allait bien. Et des voix lointaines montaient du grand salon. La maison était souvent pleine de silence, parfois de musique, presque jamais de voix. Victoire n'avait aucune envie de dormir. Elle voulait être avec les voix. Ses draps étaient tellement serrés qu'elle pouvait à peine remuer les orteils. Si elle avait été une petite fille ordinaire, elle se serait débattue avec rage, elle aurait appelé sa mère en hurlant et en pleurant. Mais Victoire n'était pas ordinaire. Victoire ne parlait pas. Jamais. Victoire ne marchait pas. Jamais. Du moins, l'autre Victoire. La véritable Victoire se leva du lit, posa les pieds par terre et alla jusqu'à l'entrebâillement de la porte. Elle hésita et, comme maman l'avait fait auparavant, elle se retourna vers le lit. Une petite fille y était couchée, les yeux ouverts sur le plafond. Son visage, ses lèvres, ses cheveux étaient aussi blancs que la tête d'oreiller. Victoire savait que c'était elle dans le lit et en dehors. Elle n'en éprouvait ni peur ni surprise. Elle se sentait plutôt en faute. Un peu comme quand elle voulait descendre toute seule de sa chaise et que maman se précipitait vers elle d'un air effrayé. Victoire n'hésitait jamais très longtemps. L'appel du voyage finissait toujours par être le plus fort. Elle se glissa dans le couloir. Elle se sentait si légère, tellement plus légère que l'autre Victoire. Aussi légère que dans l'eau tiède de la baignoire. Et comme quand elle plongeait la tête sous l'eau, arrachant des cris affolés à maman, elle voyait les objets différemment. Leurs formes étaient devenues incertaines, leurs couleurs fluctuantes. Victoire ne pouvait ni les saisir ni les déplacer. Elle observa un grand miroir mural qui ne renvoya pas son reflet. Sa surface ressemblait à un tourbillon, exactement comme quand maman tirait sur la bonde pour vider le bain. Victoire rebondit sur chaque marche du grand escalier, pareille à une bulle de savon attirée par les voix du salon. Au moment de traverser le vestibule, elle entendit quelqu'un d'autre derrière la porte d'entrée qui était restée ouverte. Elle jeta un coup d'œil dehors. Elle ne vit d'abord que les arbres d'automne agités par le vent. Il pleuvait. Il pleuvait presque tous les jours. Et même si cette pluie-là ne mouillait pas, Victoire préférait quand même le soleil. Elle suivit des yeux le vol d'un oiseau dans le ciel, mais elle savait que ce n'en était pas un vrai. Rien n'était vraiment vrai hors de la maison, maman le lui avait dit. Victoire se demandait à quoi pouvait ressembler une vraie pluie, de vrais arbres et de vrais oiseaux. Parrain ne l'avait pas emmené les voir et elle n'avait jamais osé quitter la maison pendant ses voyages. Victoire aperçut soudain un trou, un énorme trou en plein milieu du paysage. À cet endroit, il n'y avait ni herbe, ni arbre, ni pluie, il n'y avait rien qu'un vieux parquet poussiéreux. Juste en face, un couple était assis sur le perron, la dame aux drôles d'yeux et le grand bonhomme tout roux, les amis de Parrain. Ni l'un ni l'autre ne remarquèrent Victoire quand elle s'approcha. Ils étaient en train de parler, mais elle eut beau venir le plus près possible, leur voix restait lointaine et déformée. « Il en met un temps, traîne sa vatte !» gronda la dame aux drôles d'yeux. « Arcanterre ne se trouvera pas toute seule, et ce manoir m'insupporte, ça pullule d'illusions, je ne sais plus où regarder. » Elle souffla un crachat en direction du gros trou. Victoire recula. Une fois, elle avait marché devant la dame aux drôles d'yeux pendant un voyage. Ça l'avait aussitôt ramenée à la place de l'autre Victoire, dans le lit. La dame aux drôles d'yeux ne pouvait peut-être pas la voir. Elle était très spéciale. Le grand bonhomme tout roux posa ses coudes sur la marche d'escalier derrière son dos. Victoire lui trouva un sourire étrangement gourmand, comme s'il avait soudain envie de manger la dame aux drôles d'yeux. « En ce qui me concerne, moi, je sais exactement où regarder. » La dame aux drôles d'yeux pencha sa casquette et le trou disparut du parc en même temps que son visage. Je suis très sérieuse, Renard. Depuis que la mère Hildegarde est morte, je ne me sens plus à ma place ici. Ni à la Citacielle, ni nulle part aux Poules. Que les Nobliaux me détestent, je peux me faire à l'idée, je le leur rends bien. Mais de voir tous nos anciens camarades s'aplatir devant moi comme des crêpes, ça me file la nausée. Des pleutres. Ça veut monter une grève, ça veut contester, ça veut revendiquer. Et ça se fait dessus devant le premier aristo venu. Comment veux-tu qu'on renverse ce dieu si on n'est pas fichu de faire la révolution à quelques marquis? Il en dit quoi, le monsieur syndicaliste? T'es conscient que le simple fait de t'afficher avec moi, ça te fait passer pour un traître? Le grand bonhomme tout roux posa sa main sur la tête de la dame au drôle dieu et la tira jusqu'à lui. J'en dis que le premier qui a un mot contre ma patronne, un seul, je lui pète les dents. Et moi aussi, Gaël, je suis très sérieux. La dame au drôle dieu ne dit plus rien, mais Victoire surprit un sourire sous la visière de sa casquette. Elle n'avait jamais vu père et maman agir de la sorte, et cette pensée lui fit comme une douleur dans son autre corps, celui qui était resté dans le lit. Elle se détourna et remarqua alors Andouille sur la rampe d'escalier. Il la fixait de ses grands yeux jaunes. Victoire n'avait jamais caressé Andouille. Maman jugeait les chats beaucoup trop dangereux, mais elle en avait toujours eu envie. Lorsqu'elle leva une main timide vers lui, Andouille cracha. Il détala si vite que le grand bonhomme tout roux et la dame au drôle dieu sursautèrent. Victoire courut à l'intérieur de la maison avec la certitude d'avoir commis une bêtise impardonnable. Pendant un instant, elle fut tentée de redevenir l'autre Victoire dans le lit et de dormir comme maman lui avait demandé de le faire, mais dès qu'elle entendit la harpe, elle oublia sa frayeur. À nouveau, l'appel du voyage était le plus fort. Elle pénétra dans le grand salon. Elle ralentit en voyant Grand-Marraine collée à une fenêtre, bras croisés, les sourcils froncés, les yeux levés vers les nuages. Victoire ne la connaissait pas encore bien. Ses airs sévères et sa peau jaune l'intimidaient. Heureusement, maman était là. Elle se tenait assise devant la harpe et ses belles mains tatouées volaient d'une corde à l'autre comme les faux oiseaux du parc. Victoire s'approcha d'elle pour la câliner, mais maman ne la vit pas. Sa musique était aussi floue que son corps. Au vif plaisir de Victoire, Parrain était là aussi, allongé en travers d'un fauteuil. Il passait en revue des enveloppes comme s'il s'agissait d'un paquet de cartes à jouer. « Encore et encore et encore des demandes en mariage. Elle n'a pas 3 ans et elle est déjà considérée comme le meilleur parti du pôle. Nous les refuserons toutes, bien évidemment. » Sa voix était déformée, elle aussi, et Victoire dut l'écouter de toutes ses forces pour bien l'entendre. Maman continua de jouer de la harpe sans lui répondre. Vous n'êtes jamais si bonne musicienne que lorsque vous êtes furieuse contre moi, ajouta Parrain avec un sourire large comme la fente de son chapeau. Je voulais ramener saine et sauve, non? Elle est restée à l'intérieur des roses des vents. Je sais que la Citacielle ne vous inspire rien de bon, mais vous ne pourrez pas garder votre fille enfermée dans ce manoir pour l'éternité. Croyez-moi. J'ai appliqué cette méthode-là avec mes ex-sœurs, et elles sont devenues plus scandaleuses en 2 ans que je ne l'ai été toute ma vie durant. Victoire ignorait de quoi Parrain parlait. Cela faisait trop de mots compliqués à la fois, mais elle s'en moquait. Il avait les cheveux en bataille, des joues toutes dorées de barbe, et il se tenait extrêmement mal assis dans son fauteuil. Elle l'aimait à la folie. « Allons, Bérénilde !» insista-t-il en agitant les enveloppes comme il l'aurait fait d'un éventail. « Je vais bientôt reprendre mon voyage. Ne nous quittons pas fâchés. » Maman éclata d'un rire aussi musical que sa harpe. « Votre voyage. Vagabonder de rose des vents en rose des vents à la recherche d'une arche que vous savez hors de votre portée. Ce que vous nommez un voyage, je l'appelle moi une fuite. » Le sourire de Parrain s'élargit. Victoire escalada le fauteuil pour toucher sa peau mal rasée et s'y piquer les doigts, mais à sa grande déception, elle ne sentit rien du tout. « Oh, je commence à comprendre. Ce n'est pas mon escapade avec votre fille que vous me reprochez, n'est-ce pas? Ce que vous ne digérez pas, c'est que je sois revenue sans notre petite Madame Thorne. » Les mains de maman volèrent de plus en plus vite sur les cordes, mais Victoire sentit que quelque chose n'allait pas. Maman lui avait dit une fois, en l'abordant dans son lit qu'elle possédait de grands ongles cachés dont elle n'hésiterait pas un instant à se servir si quelqu'un essayait de leur faire du mal. Il était arrivé à Victoire de presque les sentir, ses ongles, quand maman était très contrariée. Elle les voyait à présent. Une ombre était en train de se former tout autour de maman, une ombre hérissée de griffes, des griffes plus impressionnantes encore que celles de la fourrure d'ours suspendue au porte-manteau de la bibliothèque. L'ombre était aussi effrayante que maman était belle. « Où est-elle ? » demanda-t-elle tranquillement. « Où est Ophélie ? » Grand-marraine se détourna de la fenêtre et échangea un regard avec Parrain qui lui fit un clin d'œil. « Vous pouvez poser et reposer la question, » dit-il à maman. « Ce sera toujours la même réponse. Elle nous a fait promettre de ne le révéler à personne, pas même à vous. » La spécialité de la toile n'est-elle pas de protéger les secrets ? « Votre clan vous a renié, Archie. » Maman avait prononcé ces mots d'une voix pleine de tendresse, mais Victoire vit l'ombre hérissée de griffes s'étendre davantage. Parrain éclata de rire. Il ne la voyait donc pas, lui, l'ombre terrible de maman ?« Touché !» dit-il en jetant le paquet d'enveloppes sur une table basse. « Pourtant, que ça vous plaise ou non, cher ami, je garderai précieusement ce secret-là. Ophélie m'a chargé de vous transmettre un seul et unique message, une promesse. Elle retrouvera Thorne. » L'ombre autour de maman disparut comme un nuage de fumée. Elle posa ses deux mains sur les cordes de la harpe pour les faire taire. Ce silence fut presque aussi fort qu'un cri. Pourtant, maman était calme, comme à son habitude. Il fut une époque où je maîtrisais à merveille les règles du jeu, bien que la leçon pour les apprendre ait parfois été cruelle. Les règles ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Les nouveaux clans nous imposent leurs réformes et les domestiques grondent dans le dos des maîtres. J'évite la cour comme une déchue. J'ai congédié tous ceux qui me servaient. Quant à notre Seigneur, il essaie, vous comprenez ? Il essaie réellement et eux, ils profitent tous de lui. Il est continuellement harcelé par ses ministres. Je ne l'ai pas vu depuis des semaines et pourtant, je reste ici et je lui écris chaque jour. « Savez-vous pourquoi, Archie ? Parce qu'il en a besoin. Il a besoin de moi, et peut-être plus encore, il a besoin de sa fille. Mais la vérité est que je suis terrifiée, » ajouta maman d'une voix encore plus douce. « Je suis terrifiée, car le monde que je croyais connaître n'est qu'un engrenage parmi des milliers d'autres au sein d'une mécanique qui me dépasse. Cette mécanique m'a volé Thorne. Je refuse qu'elle s'en prenne à ma fille. L'univers hors de ses murs est devenu trop dangereux pour nous. Restez ici, s'il vous plaît. Ne nous laissez pas toutes seules, ma fille et moi. » Victoire sentit dans son autre corps, là-haut à l'étage, un sanglot lui remonter jusqu'à la gorge. Elle ne comprenait rien à cette conversation, mais une partie d'elle sentait confusément que maman était malheureuse et que c'était, d'une certaine façon, à cause de père. Père était terrifiant, bien plus terrifiant qu'Andouille, bien plus terrifiant que l'ombre de maman. Les rares fois où Victoire l'avait vu, il n'avait pas eu un seul mot, un seul geste, un seul regard pour elle. Père ne l'aimait pas. En deux pirouettes, Parrain bondit de son fauteuil et vida le fond d'une carafe dans un verre. « En coupant mon fil, la toile m'a condamné à la solitude éternelle. Honnêtement, vous avez beau y être habitué, je ne sais pas comment vous parvenez à supporter de rester ici jour après jour. L'immobilité m'est devenue intolérable. » Parrain s'esclaffa comme s'il venait de dire quelque chose de très drôle et Victoire pensa qu'il aurait fait, lui, le meilleur papa du monde. Il but la moitié de son verre, puis offrit l'autre moitié à maman. « Je compte beaucoup de vices. L'ingratitude n'en fait pas partie. J'ai perdu toute ma famille, mais j'en ai gagné une autre en échange. Vous auriez pu, légitimement, choisir un nouveau tuteur pour votre enfant, et vous m'avez gardé malgré tout. Croyez-le ou non, Ce que je fais aujourd'hui, je le fais aussi pour vous, pour Victoire, pour Ophélie, et même si ça m'écorche la langue de le dire, pour Thorne. Pour vous aussi, Madame Roseline. Parrain fit un nouveau clin d'œil à grand-marraine qui roula des yeux, même si Victoire la trouva tout à coup beaucoup moins jaune et beaucoup plus rose. Il ôta alors son grand chapeau troué en murmurant « Mesdames » et quitta le grand salon d'un petit pas de danse. Victoire eut soudain très envie de laisser son autre corps dans la chambre et de suivre Parrain au-delà de la maison, d'aller voir avec lui les vrais arbres et les vrais oiseaux. « Il n'a pas complètement tort !» dit brusquement grand-marraine avec son drôle d'accent. « Vous n'êtes pas seule, Bérénilde. Je viens de traverser la moitié des arches pour vous retrouver, et j'ai la ferme intention de vous imposer ma compagnie. Mais regardez-moi un peu ce temps !» s'exaspéra-t-elle en claquant sa main sur la fenêtre. « Il fait plus déprimant chez vous qu'à l'intérieur d'un bocal à cornichons. Il va falloir vous ressaisir et commencer par un bon coup de balai. Que dirait Monsieur Thorne s'il trouvait votre manoir enseveli sous la poussière ?» Maman laissa échapper un petit rire dont elle parut la première étonnée. « Il refuserait catégoriquement d'y entrer. » Victoire redevint l'autre Victoire dans le lit. Elle bâilla et ferma les yeux, engourdie par ce corps trop lourd. Au dehors, la pluie avait cessé. Si grand-marraine était capable de ramener le soleil, alors ça valait la peine de rester encore un peu à la maison.